de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Djanjike réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a l'histoire du féminisme et son infinie richesse, et puis ces féminismes noirs et francophones dont souvent on ne connaît pas l'histoire, à moins qu'on ne l'ait oubliée, ou pire, qu'on ne l'ait pas encore faite. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui écrit, une autrice qui a conté, une féministe qui a connu Mariam Abba, une militante chercheuse, une sociologue militante et une féministe pionnière. Ensuite, le décor. Une trajectoire personnelle, une cour d'école, un décès, le Sénégal, une librairie, le patriarcat, le colonialisme, des marches, l'indépendance, mai 68, un livre, une revue, le Burkina Faso, Sankara, des meetings, les États-Unis et des corps féminins. Aujourd'hui, premier épisode, on commence par définir. Le féminisme est un terme qui est absolument dénigré par les personnes qui ne le sont pas, d'abord. Dénigré par la majorité des hommes sur le continent africain qui pensent que le féminisme est une idéologie occidentale, que c'est une caricature de ce que sont les femmes en Afrique et qui pensent que être féministe, c'est avoir oublié qui nous sommes, avoir oublié les valeurs africaines. Donc c'est extrêmement difficile de se proclamer féministe. Je n'ai pas vraiment de définition pour ce mot-là, mais je pense qu'être féministe, c'est vouloir exister, vouloir être un être humain, qu'on nous considère comme un être humain. Être féministe, c'est qu'on prenne en compte que nous existons, que nous avons des droits. On ne parle jamais de masculinisme, on parle de féminisme. Donc déjà là, ça veut dire que, attends, tu es concernée, toi, pourquoi ? Je suis née fille et je n'ai rien demandé. On m'a fait un cadeau. Donc pour moi, être femme, c'est déjà être un cadeau. Une si longue lettre. Bonjour. Bonjour. Je suis la première des femmes de ma famille à savoir lire et écrire. Moi, la fille d'une femme analphabète, je suis autrice. Je suis aussi la première à avoir été l'épouse d'un seul et n'avoir pas eu à partager mon époux avec des co-épouses, qu'elles soient 5 ou 75. La première qui ne s'est pas vue imposer un mariage dont elle ne voulait pas et dont la vie de femme mariée ne fut pas une succession de viols déguisés en relations conjugales. Petite fille, j'adorais aller à l'école. Mon école était au pied de la butte Montmartre, rue Foyatier, faisant face au funiculaire. À 4h30, lorsque nous sortions de nos classes, nous nous retrouvions sur les bancs du jardin, au pied de la butte, ceux juste à côté du manège. Et une fois nos goûters engloutis, nous remontions la rue Tardieu, puis on se séparait rue des Trois Frères. Moi, je poursuivais souvent seule ou en compagnie d'une camarade, en ne pressant pas le pas, rue d'Encourt, jusqu'au boulevard Rochechouart. Même si j'étais une bonne élève et que mes notes me valaient tableau d'honneur et images, je repoussais toujours le plus tard possible le moment de rentrer, m'atteler à mes devoirs. Ne mesurons pas le privilège qui était le mien d'en avoir la possibilité. Le privilège qui était le mien d'aller à l'école, d'être instruite, de lire et d'écrire. C'est parce qu'elle avait la conviction que le destin d'une femme ne pouvait changer que par l'éducation, que ma mère avait choisi de me laisser partir en compagnie de son fils aîné pour la France. J'étais alors tout juste âgée de 6 ans et je ne savais pas qu'elle souhaitait ainsi transformer mon destin, me soustraire aux épreuves qui avaient jalonné le sien, elle qui n'avait pas eu le droit d'aller à l'école parce que née fille. Une si longue lettre est la réflexion d'une femme d'âge mûr sur son passé, son présent et l'avenir qui l'attend. Mariam Abba, Ramatoulaye, 1980, vient de perdre son mari. Le livre commence par la description de la cérémonie mortuaire, comme cela se passe au Sénégal. Et cette femme

que je n'ai jamais revue depuis mon départ du Cameroun, 15 ans plus tôt. Mariam Abba a 50 ans, quand paraît aux nouvelles éditions africaines du Sénégal ce premier roman. C'est l'âge de ma mère, quand je lis pour la première fois une si longue lettre. Et je me rends compte que je ne sais rien sur celle dont je suis l'enfant. C'est peut-être parce que je suis jeune maman depuis quelques mois et que j'ai dû accoucher sans sa présence à mes côtés, que j'apprends à devenir mère sans aucun repère, qu'il m'importe tout à coup d'en savoir plus sur la personne qu'elle a bien pu être. Quelle jeune fille, quelle femme, quel contexte fut le sien. En lisant Mariam Abba, j'ai l'impression d'en apprendre un peu plus sur ma mère, même si nous ne sommes pas sénégalaises, mais camerounaises, elle et moi. Le roman de Mariam Abba, considéré à juste titre comme une pionnière de la littérature féminine en Afrique subsaharienne, est l'un des premiers à rompre le silence des femmes par le biais de l'écriture. Dans ce roman, où elle raconte les souffrances d'une femme à son amie, elle parlait non seulement de la polygamie, mais elle parlait également du système des castes, elle parlait des questions de l'amitié, elle parlait des relations amoureuses, elle parlait d'énormément de questions soulevées dans la société sénégalaise de l'époque. Elle a vraiment, dans ce roman, retracé beaucoup d'angoisses que vivent les femmes, beaucoup de pressions qu'elles subissent. Elle analyse, je pense, de manière très émotionnelle, les relations entre les hommes et les femmes. Le 25 mars 1979, année de la parution d'une si longue lettre, Mariam Abba, qui est fortement impliquée dans la vie associative depuis la fin des années 70 et milite activement pour la cause féministe, prend la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'occasion de la Journée nationale de la femme sénégalaise. Si sa prestation est particulièrement remarquée, elle lui attire aussi les critiques de certains milieux, considérant que le féminisme est une vue de l'Occident et n'a pas sa place en Afrique. Si être féministe signifie révéler les tares d'une société, alors je le suis, répondra Mariam Abba. Peu de femmes africaines se revendiquent alors féministes, encore moins ouvertement. Du temps de Mariam Abba, dans une société traditionnelle basée sur le groupe et non pas sur l'individu, le féminisme est perçu comme une idéologie individualiste, une menace pour la communauté, incompatible avec la préservation d'une identité culturelle. RFI. Chers amis et invités, Awa Keita. À travers vous toutes, je salue les vaillantes femmes de vos pays respectifs qui ont toujours lutté avec acharnement pour la libération de l'Afrique, pour la réalisation de l'unité africaine, pour le bien-être des enfants, pour l'émancipation rapide de la femme africaine et pour la réhabilitation de sa personnalité. La vision du féminisme a été construite dans un contexte où l'Afrique est mobilisée contre toutes sortes de perceptions occidentales, toutes sortes de préjugés, toutes sortes de manières de dire l'histoire, de dire l'économie, dans un contexte post-colonial. Hein. Fatou Sow, 79 ans, féministe africaine. Je suis sénégalaise et habite Dakar. J'ai mené une carrière académique de sociologue. Donc les Africaines qui sont dans un contexte de libération de l'indépendance, où ce dans quoi on les attend, c'est de construire l'Afrique, construire leur pays, construire leur société et leur économie, elles le construisent derrière des pères fondateurs. Et critiquer les pères fondateurs, c'est critiquer tout un système qui se met en place, qui de Sékou Touré, Kroma, Aléo Porcelan Senghor, Modibo Keïta, d'autres personnes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Fouet de Boigny, nombre d'entre eux sont des patriarches, et les femmes sont dans un système où les patriarches, une fois qu'ils arrivent, s'approprient le pouvoir et s'approprient la totalité du pouvoir. Il est extrêmement difficile à ce niveau-là pour les femmes de venir présenter leur contestation qu'elles avaient à l'époque coloniale, où elles discutaient de l'ordre colonial, du poids de l'ordre colonial sur leur situation, sur la manière dont l'ordre colonial les avait marginalisées, avait tenté de les transformer en femmes aptes à servir la colonisation, donc où elles avaient dénoncé Et on le retrouve dans tous les textes qui sont publiés à ce moment-là. On le retrouve, et quand on fait des enquêtes auprès des femmes de cette période-là, elles le disent très très clairement. Mais ces femmes, en même temps, dénoncent la manière dont les hommes les traitent, la manière dont les hommes ont plus accès à l'éducation qu'elles. Donc c'est ces revendications féminines que l'on retrouve, mais dans tous les empires coloniaux, hein, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit le Portugal, ou que ce soit la France, on a ces revendications de femmes que les hommes portent, parce que ces revendications leur servent. Les femmes ont marché à Grand Bassam pour libérer les prisonniers. Les femmes ont marché à Thiès, à l'époque coloniale, pour libérer les cheminots qui avaient été emprisonnés suite à une grève. Mais une fois que l'indépendance est établie, un ordre s'établit, et il est extrêmement difficile pour les femmes de remettre en question. Et 20 ans après les indépendances, le contexte n'est plus le contexte de la colonie. C'est un contexte dans lequel les femmes ont voix à la parole dans le monde. Et elles ont voix à la parole avec la décennie mondiale des femmes, où on a de très grandes conférences, où des milliers de femmes se retrouvent et discutent entre elles. Mon féminisme est venu, si je peux dire, de la politique. Marie-Angélique Savanet, j'ai 73 ans, je suis sociologue, militante féministe, j'habite à Dakar, au Sénégal. J'étais à Paris en classe préparatoire en 68, donc c'est au cours du mouvement de mai 68 que j'ai été exposée aux idées féministes, aux femmes que j'ai rencontrées à la Sorbonne, à des discussions dans les amphis, etc. Et en fait, c'est la politique qui m'a amenée à repenser les femmes autrement. Parce que mon enfance ici au Sénégal avait été très sans difficulté, je dois dire. D'abord, mon père, qui était un ouvrier, avait décidé, je n'ai jamais su pour quelle raison vraiment, de m'envoyer dans une école privée catholique, malgré le peu de moyens qu'il avait, au détriment de mes frères. Et ça a tracé toute ma vie, parce que j'ai été exposée très tôt dans une des meilleures écoles du Sénégal à l'époque. Très tôt, j'ai participé à des mouvements de jeunesse catholique qui m'ont donné les bases du leadership féminin. Et ensuite, j'ai fait du sport, où j'étais capitaine de l'équipe qui nous menait, ce qui fait que, personnellement, je n'avais pas vécu d'entrave à mon expression en tant que femme. Et c'est seulement quand je suis arrivée en France que j'ai commencé à voir certains types de difficultés liées à la condition féminine qui était la mienne et noire. Mais c'est surtout pendant les événements de mai 68 que j'ai entendu parler de ce féminisme et de la politique. Et c'est la politique, l'idéologie qui m'a amenée à non seulement comprendre, mais à l'assumer et à me définir comme une femme féministe politiquement. Peuple dahoméen, je proclame. Allocution Hubert Magar. L'indépendance du Dahomey. Pour l'indépendance du Bénin. 1er août 1960, en présence des représentants de la République française. J'ai démarré tout simplement en adhérant à l'association des étudiants et élèves du Dahomey à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont collé l'étiquette de déléguée aux affaires féminines. Eliane Yewesi, épouse Haïti, 72 ans, féministe. J'habite à Villeneuve-d'Ascq et je suis enseignante-chercheuse à la retraite. Donc ça a démarré comme ça. Et de fil en aiguille, vraiment c'était tout un cheminement. Et le fait que je me suis dit, flûte, bon, si on parle d'inégalité dans notre société, cette inégalité est quand même beaucoup plus manifeste vis-à-vis de plus de la moitié de cette population mondiale qui est constituée par les femmes. Et donc, c'est petit à petit qu'après, les choses se sont affinées. Je te ferai peut-être sursauter si je te dis que j'ai découvert et connu l'excision en France, alors que je suis arrivée en France après le bac. Et pourtant, ça se pratique chez moi. Donc, pour moi, quand je parle de féminisme, c'est vraiment mener un combat pour rétablir quelque chose qui, pour moi, doit être la norme, quoi. Pour moi, le féminisme, c'est de faire en sorte que les choses bougent pour que chacun trouve sa place dans cette société en tant qu'être humain, un être humain à part entière. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui bouscule et qui empêche la femme d'être cet être humain, eh bien moi, si je trouve ça sur mon passage et que je peux donner un coup de pied dedans, je le fais. Pour moi, c'est ça mon féminisme. Les irréversibles courants de libération de la femme qui fouettent le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui viole tous les domaines révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais mouvant le terrain des acquis. Difficile la survie des conquêtes. Les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mal résiste. Instrument des uns, appât pour d'autres, respecté ou méprisé, souvent muselé, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté. Une si longue lettre. Mariam Abba, 1979. À partir des années 1980-1985, en Afrique francophone, se constituent les premiers mouvements ouvertement féministes. Si le féminisme occidental est né dans la bourgeoisie de femmes blanches aisées qui voulaient avoir le droit de vote, le féminisme africain, quant à lui, puise ses fondements dans une longue tradition associative féminine de collectifs de femmes qui, pour certains, inscrivaient la question de l'intime dans l'espace public et qui existaient bien avant l'émergence du mouvement de libération des femmes. En 1980, Mariam Abba, primée à la Foire du Livre de Francfort, devient la première lauréate du prix Noma, qui consacre son roman comme témoignage sur la condition de la femme en Afrique, présentée du point de vue d'une femme musulmane dans une société en transition. Elle est alors secrétaire générale du club Sœur Optimiste de Dakar, dont le nom signifie « Sœur pour le meilleur ». Également membre du club, Marie-Angélique Savané, militante féministe historique et membre fondatrice du mouvement Yewu Yewi pour la libération de la femme, considérée comme la première association féministe structurée au Sénégal. Yewu Yewi signifie en Wolof « prendre conscience pour se libérer ». En août 1987, dans FIPU, la revue féministe trimestrielle éditée par Yewu Yewi pour la libération des femmes, FIPU, mot Wolof, synonyme et symbole de rébellion, et publier l'appel aux femmes du Sénégal à se regrouper autour du mouvement afin de mener un combat qu'elles seules sont en mesure d'entreprendre et de gagner. Et cet appel leur disait, voilà les raisons pour lesquelles nous devons nous organiser. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne que le système patriarcal n'est pas de droit divin, parce que vous savez, nous vivons dans des pays où les religions, l'islam en particulier, mais le catholicisme joue un rôle prépondérant. Et il fallait qu'on arrive à démystifier pour ces femmes que Dieu n'a pas créé les femmes soumises, mais c'est l'ordre patriarcal masculin qui a organisé les sociétés politiquement, économiquement, socialement, pour que les femmes soient soumises à travers les religions, à travers les tabous, à travers les cultures, à travers une série de choses où on finit par croire que c'est naturel. Et c'est ça le travail que nous avons voulu faire, démystifier le système patriarcal et conscientiser les femmes pour qu'elles se libèrent. Qu'elles se libèrent du carcan patriarcal, bien sûr. C'est-à-dire tous les problèmes qui étaient des éléments d'oppression pour les femmes, on les a identifiés et on a dit on va essayer de s'organiser autour de ça. FIPU, c'est la prise de conscience aiguë d'une rupture nécessaire avec notre présent. FIPU, c'est se rebeller contre l'ordre patriarcal oppressif. FIPU, c'est la quête répétée du besoin de transformer notre quotidien et de préparer notre avenir. Pour bâtir une culture féministe de femmes debout. Bien sûr, ça n'a pas été facile parce que, de manière générale, les gens ne comprenaient pas tellement notre démarche. On a été attaqué, mais alors avec une violence inouïe, par différents groupes, des groupes religieux, qui trouvaient que le fait qu'on démystifie les principes qui, disaient-ils, étaient d'origine divine, faisait de nous des femmes athées, des femmes à ne pas fréquenter, Il y avait un groupe, à l'époque, c'était un groupe vraiment intégriste, qui organisait tous les vendredis, après la prière, des sermons, où il nous tapait, mais alors il fallait entendre le genre de choses qu'il disait sur les féministes de Yehoui. Bon, on a eu du mal aussi au niveau des organisations existantes, parce qu'elles nous ont vécu vraiment comme des gens antagonistes qui remettaient en question ce qu'elles étaient en train de faire pendant des années et qui refusions de nous intégrer dans ce qu'elles appellent l'émancipation de la femme de manière pratique, c'est-à-dire faire des projets de développement, etc. On disait, on n'est pas contre les projets de développement, vous les faites et vous les faites bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est changer les mentalités, changer les croyances, changer la manière de voir des gens pour qu'on commence enfin à voir que les femmes ont droit à l'égalité. L'égalité d'accès à tout, accès aux ressources, accès aux opportunités, etc., etc. Avec avidité, parce que longtemps nous en avons été sevrés. Avec délicatesse et volupté, car elle est fragile, volatile et d'amour. Avec fermeté, parce qu'elle donne le pouvoir de transformer. Elle, l'autre parole. L'autre parole, celle que les femmes tenues à l'écart de la sphère publique ont, des siècles durant, murmuré, chuchoté, chanté et hurlé. Dans les foyers, les concessions, les harems, les cuisines, près des puits et des marigots, dans les bois sacrés. L'autre parole, c'était d'abord que les femmes parlent d'elles-mêmes. Parce que nous vivions dans des pays où l'histoire était dite à partir des hommes. C'est les hommes qui écrivaient l'histoire du pays et en particulier l'histoire des femmes. Donc l'autre parole, c'était parler de soi, parler des réalités que les femmes vivaient en tant que personnes opprimées dans leur chair, opprimées lorsqu'elles se mariaient, souvent très jeunes, parce que le mariage précoce existait et existe encore, opprimées parce que lorsque elles étaient mariées, il fallait rapidement faire des enfants, même si physiquement elles n'étaient pas prêtes, encore moins psychologiquement. Lorsqu'elles étaient enceintes, on ne pensait pas à leur santé, mais aussitôt il fallait qu'elles aient 2, 3, 4 enfants pour prouver qu'elles étaient là. Il fallait qu'elles acceptent d'être dans des ménages où le mari un jour décide qu'il va prendre une deuxième, une troisième, voire une quatrième femme, sans qu'elle ait son mot à dire, et qu'elle soit dans des situations où parfois elle partageait la même maison avec une autre femme, dans 2 chambres séparées, où l'une pouvait entendre ce que l'autre disait quand elle était avec son mari, etc. L'autre parole, non pour asservir ou pour se venger, mais pour découvrir, faire reculer les frontières de l'ignorance, de la bêtise et des préjugés. L'autre parole, pour rechercher, dans une égalité renégociée, une autre manière d'être femme, d'être homme, de vivre en partenaire. L'autre parole, c'était la parole des femmes libérées, la parole des femmes qui voulaient qu'on sache ce qu'elles pensent, ce qu'elles envisagent comme transformation politique, économique et sociale de leur pays, de leur village, de leur quartier, etc. L'autre parole, c'était leur participation à la vie politique, parce que à l'époque, il y avait pratiquement pas de femmes élues, etc. Et il a fallu mener toute cette bataille pour d'abord ce qu'on a appelé la discrimination positive, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes sur les listes électorales, puis ensuite pousser à ce que dans le gouvernement, il y ait quand même beaucoup plus de femmes. L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, ça patrouille la mort. Le 8 mars 1987, Yehoui Yehoui pour la libération des femmes célèbre pour la première fois la Journée internationale des femmes et décerne à cette occasion le prix Aline Sitoé Data du nom de la célèbre résistante, rebelle de Casamance, au capitaine Thomas Sankara, chef de l'État de la République de Haute Volta, rebaptisé Burkina Faso. Nous voulons responsabiliser la femme voltaïque d'abord en commençant par sa libération. Thomas Sankara. La libérer de la domination féodale de l'homme. 1983. Voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe dont il est convaincu que c'est la juste voie, et la facilité qu'est la domination. Ben, enfin, parfois, on se surprend à transformer son foyer en une caserne, et puis on se retrouve en adjudant de compagnie. C'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres voltaïques le font. Sankara, c'est un jeune capitaine de l'armée burkinabé qui a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Je l'ai connu très bien. Nous, ce qui nous avait attirés chez Sankara remettait en question l'ordre néocolonial qui existait encore après plus de 20 ans d'indépendance. Il remettait en question, au moment où il est venu, tous les accords qui étaient conclus avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sur les questions d'ajustement structurel. Mais la raison principale qui nous a fait choisir Sankara, c'est que dans le prix, on avait un certain nombre de critères. Et l'un des critères, c'est un leader politique qui, par son action, a changé la condition des femmes. Et Sankara avait décidé, dès son arrivée au pouvoir, qu'il voulait arriver à une parité entre hommes et femmes. Et le Burkina Faso, jusqu'à présent, est un des rares pays d'Afrique qui a eu le plus de femmes à des postes de responsabilité, parce que chaque fois qu'il nommait un homme, le numéro 2 devait être toujours une femme, et s'il nommait une femme, le numéro 2 devait être un homme. Ce qui fait que, très rapidement au Burkina Faso, on a vu émerger des femmes avec des postes de responsabilité, de direction qu'on n'avait nulle part. Et pour nous, c'était important de mettre ça en valeur pour montrer aux gens qu'une décision politique, celle qu'on demandait, qu'on revendiquait, pouvait changer beaucoup dans la vie des femmes. Et par la suite, lui nous a invités à aller au Burkina pour assister aux fêtes de l'indépendance. Et il disait que c'était surtout pour qu'on puisse expliquer notre démarche aux femmes burkinabées. Parce qu'il disait, j'ai besoin aussi que les femmes elles-mêmes se prennent en charge, qu'elles définissent leur orientation et ça, et qu'elles s'organisent. Et c'est vrai que notre séjour au Burkina a été extraordinaire. Nous avons eu des rencontres avec les femmes, c'était des rencontres assez intéressantes, voire même violentes parfois, parce que les femmes elles-mêmes ne comprenaient pas, mais pourquoi vous êtes contre les hommes? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous croyez qu'en Afrique, les femmes ne sont pas bien, nous trouvent que notre condition est bonne, etc. Et on a passé des jours d'échanges à leur expliquer ce que c'était le patriarcat, que c'était un système cohérent, et qui avait réussi à aliéner les femmes dans le monde entier à l'idée que elles étaient des sujets de seconde zone, et qu'elles ne pouvaient pas revendiquer d'avoir une vie autre que celle que les religions, les tabous, les traditions leur ont inculquée. Et dans des pays de tradition, c'était difficile. Je crois que l'impact a été énorme. Malheureusement, 2 mois après, il était assassiné, alors qu'on avait énormément de projets qu'on avait faits ensemble, non seulement pour les femmes du Burkina, mais pour l'ensemble des femmes d'Afrique, parce qu'il envisageait de contacter lors des sommets de l'Organisation de l'Unité Africaine, c'était à l'époque l'OUA, de mettre sur la table la question des femmes et d'arriver à prendre des mesures qui pouvaient changer radicalement leurs conditions en Afrique. Dans une Afrique peu encline à reconnaître la légitimité de la lutte pour l'égalité des sexes, la féministe africaine Fatou Sow est, après l'indépendance, l'une des premières africaines francophones à accéder à l'université. Née à Dakar, d'une famille originaire de Saint-Louis, alors capitale de la colonie du Sénégal, cette fille d'un fonctionnaire des impôts et d'une sage-femme est l'une des deux africaines, l'autre est dahoméenne, à faire son entrée à l'université de Dakar en 1960 parmi 300 étudiants. Figure incontournable parmi la génération des premières féministes du Sénégal, elle a contribué à la fin des années 80 à la création d'enseignements sur les questions de genre au Conseil pour le développement des sciences sociales en Afrique. Quand j'ai commencé ma carrière de sociologue à l'université de Dakar, dans les enquêtes que nous menions, soit comme étudiant, soit comme jeune chercheur, avec nos enseignants, dans la totalité des enquêtes qu'on a menées sur la démographie, dans l'agriculture, sur le monde de la pêche, sur l'artisanat, sur le commerce, les femmes sont tout le temps là. Pourtant, quand on regarde les statistiques, elles sont absentes. On parle du paysan africain en oubliant qu'il y a pratiquement autant d'hommes paysans que de femmes paysannes. Et les femmes paysannes ne sont jamais considérées comme des paysannes ou des fermières, comme on le fait ailleurs en Europe, mais elles sont considérées comme des ménagères. C'est ça qui était dans les livres de statistiques. On se rend compte sur le terrain. Donc ma conscience féministe, elle se forge, elle n'est pas innée. Moi, comme Simone de Beauvoir disait, on n'est pas femme, on le devient. Moi, je dirais qu'on ne n'est pas féministe, on le devient. Et on le devient en gardant un esprit critique de ce qui se passe autour de nous, des conditions qui nous sont faites et de la manière dont nous pouvons soit les abolir, soit les enrichir, soit les réformer. Mais je pense que je suis devenue beaucoup plus féministe quand j'ai commencé à l'enseigner. Pour moi, le féminisme restait cette idéologie où nous, les femmes, fières. Mais je n'avais pas encore le féminisme comme, avec ses valeurs pédagogiques, le féminisme comme question transversale dans la science. Parce que vous avez tellement dit que être féministe, ce n'était pas scientifique, que c'était poétique, qu'on disait oui, nous sommes. J'ai été invitée dans un. Après avoir donné une conférence à Dakar à des professeurs de français, des professeurs américains qui enseignaient le français en Amérique, on m'a demandé de parler de la question des femmes, ce que j'avais fait volontiers. Et après le débat, on m'a demandé si je voulais venir dans un Women's Studies aux États-Unis, passer une année. Bon, là, le choix a été... j'ai dû réfléchir. Ah, est-ce que je pouvais, comme féministe, est-ce que... Et, curiosité, cette année passée, dans ce centre d'études féministes, de Women's Studies, comme on les appelait, parce qu'elles sont devenues plus tard des gender studies, dans cet espace, ce que j'ai appris, c'est que je pouvais côtoyer des médecins, des ingénieurs, des philosophes, des littéraires, et que l'on pouvait s'asseoir ensemble et discuter de manière féministe des questions auxquelles nous étions confrontés. Et d'où l'envie, quand je suis revenu à Dakar, de créer cet espace qui a été un peu plus difficile. Mais c'est à ce moment-là que je suis devenue vraiment féministe, quand je me suis rendu compte que non seulement il y avait cette approche idéologique, mais il y avait une approche scientifique que l'on pouvait avoir des questions sur les femmes. L'Institut sur le genre, du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA, basé à Dakar, a été créé en 1996 suite aux pressions de la communauté féministe africaine, avec en tête Fatou Sow. Il œuvre de façon originale et efficace au renforcement de l'intégration du genre dans la recherche en sciences sociales en Afrique. À l'occasion de sa session 2020 qui s'est tenue à Monrovia, au Libéria, et qui avait pour thème la violence faite aux femmes et aux filles dans les espaces civiques africains, l'Institut notait que si partout en Afrique, les campagnes et les luttes pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles avaient porté quelques fruits par rapport à la situation d'il y a 2 ou 3 décennies, des progrès restaient à réaliser. Les améliorations réalisées jusqu'à présent étaient entravées par la persistance de formes plus anciennes de violence et d'autres nouvelles contre les femmes et les filles. J'ai marché depuis mes 7 ans, de Thiès à New York, en passant par Rome, Paris, Zurich ou Londres. Je n'ai jamais cessé de marcher, surtout depuis ce jour où les grands-mères sont venues me dire « Aujourd'hui, ma fille, nous allons te purifier. » Le matin, très tôt, on me réveille. Ma mère me conduit, avec ma sœur, dans la grande maison, chez la 3e épouse de grand-père. Ma mère repart en nous laissant. Je la regarde s'éloigner, mince et fine, un mélange de sang mort et peul. Dans la langue soninké, la grand-mère nous annonce que nous allons être salindés, pour pouvoir prier. Ce qui veut dire, dans notre langue, être purifié pour accéder à la prière. En français, excisé. On dit aussi coupé. Les mères sont parties. Un abandon étrange sur le moment. Mais je sais maintenant qu'aucune mère, même ayant le cœur solide, ne peut supporter la vision de ce que l'on va faire à sa fille. Et surtout ses cris. Elle sait de quoi il s'agit, puisqu'elle l'a subi. Et lorsqu'on touche à son enfant, c'est sa chair qui saigne de nouveau. Pourtant, elle l'accepte, parce que c'est ainsi, et qu'elle n'a pas d'autre voie de réflexion que ce rituel barbare, prétendument purificateur, pour pouvoir prier, arriver vierge au mariage et rester fidèle. À 7 ans, j'ignore totalement que, comme toutes les filles, je suis nantie d'un clitoris et à quoi il sert. Je ne l'ai jamais remarqué et je ne le verrai plus. J'ignore, en 1967, ce que représente pour moi dans l'avenir cette sanglante coupure intime. Elle me mènera cependant au long d'une marche de vie difficile et parfois cruelle, jusqu'en 2005, à l'ONU. Mutilée, Kadi Koïta, 2005. Le corps des femmes est le corps qui reçoit le plus de normes, de codification, de valorisation ou de dévalorisation dans cet espace. Donc c'est une lutte permanente. Vous luttez pour avoir vos droits, on vous couvre. Vous luttez contre l'excision et vous arrivez à la faire bannir, vous avez tout un discours autour de le corps des femmes n'est purifié que si leur sexe est excisé. Vous voulez vous battre contre les grossesses précoces, contre les mariages des petites filles. Vous avez des lois qui sont faites pour faire que l'âge au mariage arrive à un âge, alors ici 14 ans, ailleurs 18 ans, mais quand vous allez sur le terrain, ces lois sont pas forcément respectées. Donc le corps des femmes, moi je pense, est un enjeu partout. Hein. Il est un enjeu aux États-Unis, il est un enjeu en France, il est un enjeu dans l'espace du monde dans lequel nous vivons. Les femmes doivent se battre à chaque moment, le corps des femmes est politique. Selon le dernier rapport sur la condition féminine, publié le 14 avril 2021 par le Fonds des Nations Unies pour la population intitulé « Mon corps m'appartient », près d'une femme sur deux dans le monde n'a pas le droit de disposer librement de son corps, qu'il s'agisse de relations sexuelles, du recours à la contraception ou de la recherche de soins de santé. Leur vie est gouvernée par d'autres. Au Mali, au Niger et au Sénégal, moins de 10% des femmes prennent des décisions en matière de contraception de façon autonome. Premières victimes dans les zones de guerre et de conflits, les femmes et les filles paient souvent un lourd tribut aux violences. Oh, your heart is so full of hatred. You are not fit to be a king. Black Panther. Un film de Ryan Coogler, dans cette scène, Okoye livre bataille, inspiré par les Amazones du Dahomey. Ça me paraît incroyable qu'un groupe de guerrières aussi redoutables reste ignoré du plus grand nombre. Elles étaient conditionnées à agir sans hésiter. Nous sommes confrontés, en tout cas moi, dans mon cas, je suis face à un double discours. Nous avons le discours... Depuis la nuit des temps, les femmes sont opprimées en Afrique. Et le discours d'en face, depuis la nuit des temps, la femme est honorée, elle est une reine, c'est Mama Africa, c'est le matriarcat, c'est la position idéale et idéale des femmes. Je me sens personnellement, et vraiment ça c'est à titre personnel, prise au piège entre les deux récits. C'est facile, au fond, de le déconstruire en montrant la position des femmes dans le domaine symbolique, dans le domaine religieux, pré-islamique et pré-chrétien, dans nos religions différentes, nos croyances différentes, où les femmes sont là. Moi, je suis entourée au Sénégal de mères qui ont des noms de génie. La mère à Dakar, ce génie est un génie féminin. les fleuves ont des génies féminins, les rituels menés par les femmes sont reconnus, toujours pratiqués, bon, plus au niveau dans lequel il était dans la nuit des temps, parce que l'islam et le christianisme ont énormément pesé sur la transformation de ces rites. Autant je peux déconstruire, autant je pense qu'il me faut également repenser à ce que signifie le matriarcat, à ce que signifie la transmission par les femmes d'un pouvoir symbolique, du pouvoir politique, des biens. Ce sont autant de récits qu'il me faut que je déconstruise pour me les réapproprier. Ma mère n'était pas une reine. Il est possible qu'elle se soit prise pour une princesse pendant longtemps dans les yeux de son père, jusqu'au jour où, sans qu'il lui demande son accord, ni celui de ma grand-mère, il décida qu'il était temps pour elle d'être mariée. Elle avait 12 ans. À son époque, dans sa société, au regard de la tradition et de la coutume, on ne se mariait pas sans l'accord d'un homme. C'est votre père qui décidait de votre union. Le libre choix amoureux n'était pas d'actualité pour la fille d'un notable, surtout si vous apparteniez à la lignée des chefs fondateurs de l'ethnie dans laquelle vous aviez vu le jour. De la décision prise par mon grand-père découle tout le reste du destin de ma mère, et en partie du mien. C'est parce qu'elle n'oubliera jamais l'affront qui lui fut alors fait, la trahison que représenta la décision de son père, et ce qui s'ensuivit, cette vie d'adolescente, épouse et mère, qu'elle s'est vue imposer, qu'elle prit la décision qu'il en serait autrement pour moi. Quand j'ai retrouvé ma mère à 27 ans, après 20 ans de séparation, ma propre fille âgée de 6 ans dans les bras, nous ne sommes pas tombés dans les bras l'une de l'autre, contrairement au film que je m'étais fait dans les mois précédant ces retrouvailles. C'est la gêne qui s'est installée et a persisté entre nous tout au long de mon séjour. Elle avait vu partir une enfant, elle retrouvait une femme et une mère. Moi, je n'avais aucun souvenir d'elle. Rien chez elle ne m'était familier. Je comprendrais en thérapie que ma mémoire, comme un mécanisme de protection, a effacé tout le souvenir de la vie d'avant mon arrivée en France, que je me suis ainsi protégée. Et c'est sans doute parce que j'ai mis longtemps à faire le deuil de cette relation que je rêvais de pouvoir tisser avec elle, que je vais encore plus qu'avant prêter une grande attention aux relations que les femmes de mon entourage tissent avec leur propre mère. Celles qui ont eu la chance de ne pas en être séparées, qui ont eu des mères présentes, aimantes, attentionnées. J'ai beau être devenue cette mère-là pour ma propre fille, il me semble toujours qu'il manque quelqu'un à notre duo. Dans une maison à Dakar, Mouna, Léna et Wei incarnent cette configuration générationnelle dont j'aurais aimé faire l'expérience. Petite fille, fille et mère partagent le même toit et œuvrent à une transmission où le droit d'être un sujet à part entière va de soi. Bonjour Tata Axel. Bonjour Wei, comment tu vas ? Ça va bien. Et toi ? Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est bien quand on est entre filles ? Parce que... on est très bien et parce qu'on est à l'aise. Ok, merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Bye bye. Qu'est-ce que ta mère a veillé, selon toi, à te transmettre ? Et qu'est-ce que tu veilles, toi, à transmettre à ta fille ? Ma mère m'a toujours dit, ne t'oublie jamais. Que ce soit lié à des relations sentimentales ou amicales, ou qu'il s'agisse du travail, etc. C'est la première chose, et que c'est souvent d'ailleurs une tendance que beaucoup de femmes ont. Elles se mettent toujours en deuxième, en troisième, en quatrième, en centième position, alors qu'elles doivent être en première position, pour elles et pour les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très fort que ma mère m'a toujours transmis, que j'ai pris du temps à comprendre, que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à intégrer, mais dont aujourd'hui j'ai pleinement conscience. Et cette individualité est très importante. Et c'est ce que j'essaye de reproduire aussi maintenant en tant que maman. C'est-à-dire que ma fille est ma fille, bien entendu, mais c'est une personne à part entière. C'est un individu. Et pour moi, c'est important de le respecter, de le chérir, de l'encourager. Elle est elle. Et je pense que dans le « ne t'oublie pas », il y a cette idée-là, ouais. Qu'est-ce que tu as veillé, en tes termes, à transmettre à Mouna ? Je crois que je n'ai rien veillé à quoi que ce soit, ma belle. Parce que si tu te mets en position en tant que maman de « Ah, je dois faire attention, faire une liste de trucs », non, non, non, non. Mouna bébé, c'était un bébé qui pouvait être super chiant, comme elle peut l'être aussi adulte, parce que bon, il fallait attendre 60 heures pour qu'elle prenne un seul sein, parce que madame aime bien prendre son temps, et qu'on n'avait pas la même notion du temps qui passait, parce que j'en avais un autre qui avait 3 ans et demi, donc... Tu me laisses un petit peu de temps aussi à moi, là, à force de me regarder, dans, etc. Mais il n'y a pas que toi, en fait. Donc, je lui parlais. Je lui parlais comme je parle à mes plantes, en leur disant, mais vraiment, tu m'énerves, toi. Je te fais tout, là, et tu me regardes, et tu es en train de sécher, et de prendre mon temps et mon énergie. C'est quoi, ce truc ? Donc, je lui parlais. Et encore aujourd'hui, on a le même discours. Donc, avec elle, enfant, adulte, même réalité. On se parle. Et quand je ne suis pas contente, je lui dis, mais je ne lui dis pas parce que je suis la maman. Je lui dis parce qu'aujourd'hui, elle est elle-même maman et elle est une femme adulte. Et parce que bon, tout enfant est voué à grandir. Hein. Bon, c'est quand même une adulte qui fait ce qu'elle veut et qui, bon, voilà. On a simplement une chance inouïe de pouvoir vivre 3 générations sous le même toit. Ça, c'est un luxe, une richesse, mais waouh, le plus beau cadeau de la vie en ce qui me concerne. Les jeunes générations commencent à le faire, c'est de se parler. Kadi Koïta. Mais c'est vrai que dans pas mal de familles et de ma génération, c'était très difficile. On parlait plutôt à une tante, à une autre personne, mais pas à la maman elle-même. Et c'est cette éducation aussi qu'on doit changer, qu'entre la fille et la mère, qu'il ne doit pas y avoir de tabou, pas de secret. La transmission des valeurs passe par là, mais pas comme nous l'avons vécu, qui a été transmis par la masse. C'est très, très important de créer ces liens intergénérationnels des grands-mères, des mères et des filles, surtout mères-filles. On évoque peu les rêves des mères. On parle en revanche de ceux de nos pères. J'aime à croire que je suis l'un des rêves de ma mère. Son rêve d'instruction, de savoir, de liberté et d'autonomisation. L'un des rêves d'une femme noire, née dans les années 40, dans un village du nord-ouest du Cameroun. Et mon histoire de femme noire, libre et féministe, est sans doute d'abord la sienne. Une si longue lettre, réalisée par Marie-Laure Ciboulet, avec Fatou Sow, Kadi Koïta, Léna Lobé, Marie-Angélique Savanet, Eliane Aïssi, Wei et Mouna Lobé. Lecture par Rose Martine et Sabine Pacora. Prise de son, Éric Boissé, Olivia Branger, Fabien Capel, Inès De Bruyne, Catherine Dérété, Dauphar Guéride, Hélène Langlois, Marie Le Peintre, Philippe Mercher, Bruno Mourlan, Claude Niort. Mixage, Cédric Châtelus. Coordination, Marie-Yvonne Abolivier et Perrine Kervran. Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Jeanne Jiquet. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au Sénégal, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, tu seras féministe, ma fille. Mais en attendant, restez à l'écoute.